Vous écoutez France Culture. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. Oh, je sais plus. Je pensais que vous vouliez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai sur le bout de la langue et ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lilin. Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram, in qua nati sumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. Nous allons aujourd'hui creuser dans le réciproque, le mutuel, le bilatéral, l'échange auquel aboutit la conversation, mais qui, eux-mêmes, modèlent et scandent toute conversation. Quand nous nous parlons, nous véhiculons du sens tout en ménageant une atmosphère, tout en produisant des impressions, tout en émettant des signaux. Cette régulation du discours, notamment de la part du récepteur qui encourage l'émetteur à continuer grâce à des mots ou des bribes de mots, cela va du raclement de gorge ou du borborygme à l'interjection. Tiens donc, cette sorte de scansion participative de la conversation, voilà précisément la spécialité de notre invité Roxane Bertrand, chargée de recherche au CNRS, intégrée au laboratoire Parole et Langage de l'Université de Provence. Roxane Bertrand, vous travaillez donc sur cette interaction inter-individuelle, d'où ce titre de votre thèse en sciences du langage soutenue en 1999, de l'hétérogénéité de la parole, analyse énonciative de phénomènes prosodiques et kinésiques dans l'interaction inter-individuelle. Entrons dans le vif du sujet avec des travaux pratiques, Roxane Bertrand. Vous êtes en duplex depuis Aix-en-Provence, nous ne nous voyons pas. Nous nous entendons, nous sommes dans la position même de l'auditeur de radio, contrairement à des gens habituellement rassemblés dans le même studio qui se voient, qui seraient même en mesure de faire de la télévision et qui font pourtant de la radio, ne joignant donc pas le geste à la parole. Pendant la petite demi-heure qui va suivre, qu'est-ce qui, selon vous, va changer dans notre échange et dans ce qui le ponctue par rapport à une situation classique où vous seriez assise en face de moi, dans un studio de la maison de la radio, sise à Paris 16e, Roxane Bertrand. Alors si j'étais en face de vous, j'aurais à ma disposition finalement toutes les ressources dont on a l'usage en conversation et en interaction quand on est en présence les uns des autres, c'est-à-dire on a les mots, on a la prosodie, c'est-à-dire tout ce qui est véhiculé par l'intonation, le rythme, le débit, mais aussi tout ce qui relève de la mimo-gestuelle, c'est-à-dire les gestes qu'on émet avec les mains, les hochements de tête, les mimiques faciales, etc. En l'occurrence, il va falloir se parler, interagir, comme si on était un petit peu amputé de l'une des modalités dont on dispose en conversation quotidienne. Alors comment... Et alors justement, oui. là nous avons à l'instant eu ce qu'on appelle un blanc. Précisément parce que je ne savais pas si votre phrase allait se terminer, vous ne saviez pas s'il était temps que je vous coupasse. Oui, et puis en même temps, il y avait aussi des petits soucis, plus peut-être... techniques qui sont liées aussi finalement à toute interaction, c'est-à-dire que l'interaction c'est un échange de sens, un échange de discours, mais c'est également plein de petits imprévus qui peuvent biaiser un petit peu, voire modifier le sens qu'on échange. Donc en l'occurrence, effectivement, j'ai été un petit peu malmenée parce que mon casque avait un peu des problèmes, donc je l'ai plus ou moins perdu et donc ça a sûrement altéré un petit peu ma communication. Et vous l'avez entendu, vous l'avez senti, ce qui est intéressant hein, de constater que finalement vous n'aviez pas besoin du tout de me voir pour constater que quelque chose n'allait peut-être pas tout à fait dans le bon sens. Non, mais moi je pensais franchement que vous étiez en train de vous demander est-ce que j'étais trop longue, est-ce que j'étais trop courte. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cet épisode comique du casque. Et donc le blanc... c'est un accident radiophonique. Parfois, il y en a qui savent en user et en faire un art radiophonique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Au contraire, peut-être le chevauchement de la parole, puisque rien dans mes gestes ne viendrait vous indiquer que j'ai l'intention de vous couper, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un monologue. Mm-hmm. Vous n'êtes pas là pour haranguer pendant une demi-heure. Mais il s'agit entre nous d'un dialogue compliqué, puisque nos positions ne sont pas symétriques. Je suis là pour vous relancer, vous questionner, mais mon rôle, et je vais bientôt me taire, n'est pas de parler autant que vous, Roxane Bertrand. En l'occurrence, étant donné que nous sommes donc dans des positions, disons, complémentaires, hein, vous êtes donc un intervieweur, je suis censée être en position haute en tant qu'experte, mais également en position basse, si on veut, en tant que interrogée, et eux, hein, je dois effectivement répondre à des attentes qui nous sont communes. Nous avons tous les deux, même si chacun de notre côté, nous avons sûrement des différences d'appréciation, mais vous avez des attentes et j'en ai d'autres par rapport à ce qui est en train de s'échanger. Donc ça, ces différentes attentes, ces différentes représentations que nous avons, nous aident à trouver, à un moment donné, le bon moment, disons, hein, pour éventuellement prendre la parole, pour éventuellement dire, ben là, attention, c'est à moi hein, d'y aller, parce que j'ai bien senti que la phrase était terminée. Mais alors, pourquoi j'ai senti que la phrase était terminée ? Ben parce que vous avez aussi utilisé une prosodie particulière, d'accord ? Vous avez produit un énoncé avec, par exemple, une intonation d'un type spécifique, quelque chose qui projetait une éventuelle réponse de ma part. Et ça, je l'ai perçu, parce que ça répond à des... ou plutôt, c'est quelque chose que nous partageons en tant que locuteurs, natifs, français, etc. Donc, ce sont des connaissances implicites sur la prosodie, sur la musique de la langue, hein, sur le rythme, qui nous indiquent, de manière comme ça, plus ou moins implicite, qu'à un moment donné... vous allez me céder la parole et qu'à un moment donné, je vais pouvoir la prendre. Mais justement, Roxane Bertrand, beaucoup de choses peuvent ne pas passer par la parole quand nous nous voyons. Par exemple, lorsque je parle et que vous ne me voyez pas, pour faire entendre que j'entends aller jusqu'au bout de ma phrase, je peux un peu plus hacher peut-être les mots, prendre un ton légèrement plus autoritaire, un débit qui entend ne pas être interrompu, alors que si vous me voyez, il n'y aura aucun problème. De même, il y a beaucoup de gestes qui ne concernent pas uniquement peut-être dans la conversation, faut-il s'arrêter, faut-il recommencer, mais par exemple, il arrive que dans une conversation, on regarde en faisant un roulement d'yeux que la personne perçoit, et à ce moment-là, elle change son discours, le mesurant ou prenant un virage à 180 degrés. Je ne sais pas si quelqu'un tient des propos racistes et quelqu'un qui ne supporte pas le racisme est en face d'elle, peut-être que des signaux visuels interviendront pour corriger les choses avant d'être obligé d'exercer une sorte de riposte quasiment nucléaire de la parole, non ? Tout à fait, mais vous mettez vraiment le doigt sur ce qu'on appelle la régulation des discours. La régulation des discours, c'est donc tous ces phénomènes qu'on utilise, donc qui sont autant verbaux, vocaux que gestuels, et qui sont là pour manifester à l'autre qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est éventuellement d'accord avec lui, qu'on le suit, qu'on le comprend, mais aussi qu'on est en désaccord. Ou alors qu'on juge quelque chose qu'il vient de dire comme étant désagréable, comme étant difficile à entendre, etc. Donc vous avez beaucoup de gestes qui jouent ce rôle, mais vous avez également la prosodie, vous avez également les mots hein, qu'on emploie. Donc l'idée là, c'est vraiment que lorsqu'on est en interaction, en face à face, en présence, les locuteurs, effectivement, sont vraiment aidés par tout cet arsenal hein, de ressources. Quand on se trouve en duplex, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, en fait, on compense. On a d'autres stratégies. Donc, on utilise les ressources qui nous sont qui nous restent, c'est-à-dire, hormis les gestes, essentiellement la prosodie. Autre chose par rapport à ce que vous disiez sur le roulement de Dieu, etc. Bon, ça fait partie aussi donc de phénomènes qu'on appelle les fatigues, les signaux back channel. C'est ce qu'on renvoie à l'autre hein, pour lui dire, écoute, là, je peux pas entendre ce que tu dis. Et donc c'est vraiment des phénomènes qui sont très très intéressants et très importants à prendre en compte parce que ils sont pas simplement là pour dire. Attends, j'écoute, ou attends, arrête-toi, etc. Mais ils sont également là pour dire, modifie ton discours. Hein, parce que sinon, je risque aussi de disparaître, quoi, de partir et de faire cesser cette interaction. Donc c'est vraiment très important de les prendre en compte parce qu'ils ne sont pas uniquement des signes d'intérêt et d'accord, mais vraiment, ils participent à la production du discours du locuteur hein, qui est en train d'émettre un discours. Et selon ce qu'on va produire, selon ce qu'on va renvoyer à l'autre, le discours peut en être totalement modifié. C'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à les prendre en compte dans la mesure où ils sont des clés pour la compréhension du discours et pour le déroulement, la poursuite du discours. Roxane Bertrand, j'ai entendu deux mots qui demandent à être précisés quand vous avez parlé de fatigue et de signaux back channels, puisqu'il semble que le franglais soit de mise. Fatigue. Notamment, on le connaît un peu grâce à la fonction fatigue du langage analysée notamment par Roman Jakobson ou Roman Jakobson. C'est le locuteur. En revanche, et c'est très intéressant, j'ai l'impression que vous faites partie de ceux qui se sont dit il n'y a pas uniquement les locuteurs, il y a les récepteurs, les auditeurs, et ce que vous avez appelé signaux back channels. C'est plutôt de la part de celui qui entend et ponctue un discours qu'il subit, n'est-ce pas ? Exactement. C'est exactement, exactement ça. C'est la fonction une fonction qui n'a pas été très, très analysée. Et pour cause, parce que pendant longtemps, on a étudié, en linguistique par exemple, on a étudié des monologues. Donc on s'intéressait uniquement à la production d'un locuteur. Et on pensait que les interlocuteurs, finalement, n'étaient que des êtres passifs. Qui n'apportait que très peu de choses à l'interaction. Or, c'est tout l'inverse hein, quand on travaille sur des phénomènes justement donc de back-channel, c'est-à-dire de rétro-action, hein, de réaction par rapport à ce qui est produit. On se rend compte que, donc, hein, ce que je disais, non seulement ponctue les discours de l'autre, on montre qu'on s'intéresse à ce discours, mais également on fait évoluer le discours courant d'une manière ou d'une autre. Je me demandais, puisque nous en étions partis de cette situation de duplex, vous à Aix-en-Provence et moi à Paris, est-ce qu'il y a eu des études sur ce qu'a pu induire, à mon avis, la première apparition de ce genre de situation, ce que Proust appelle le téléphonage, et où par exemple, une des fonctions fatigues du langage peut se résumer par ce mot « allô ». Allô, allô. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a pu apparaître un phénomène qui nous rend infirme, comme vous avez dit, puisque la gestuelle n'a plus lieu d'être ? La question est difficile. Je ne sais pas si c'est à l'occasion de ce genre de mise en place de rituels. Parce que allô, allô, ce sont vraiment des rituels, des routines dans lesquelles les locuteurs se trouvent engagés. Et donc, c'est peut-être un petit peu différent de moi, ce que j'appelle les signaux back-channel, qui sont vraiment des phénomènes plus ponctuels et qui apparaissent à des moments plus hasardeux. Enfin, ils apparaissent pas, leur apparition n'est pas hasardeuse, hein, mais ils apparaissent à des moments plus... moins réglé que, par exemple, un instant de salutation. Le allô, allô, le bonjour, bonjour, ce sont des mini-routines dans lesquelles les locuteurs sont engagés. Donc, je ne dirais pas que c'est à l'occasion de ces observations que les choses ont pu se développer. Je pense que c'est plus dans l'intérêt tout à coup pour des dialogues, l'intérêt pour des pour un discours produit collectivement, produit à plusieurs, etc., que on s'est aperçu finalement que l'activité de celui qui écoute quelque part n'était pas si anodine que ça. Vous expliquez dans un article assez extraordinaire d'une quarantaine de pages sur le statut, la signification du mot « enfin » que vous analysez sous toutes ces coutures, Roxane Bertrand. Vous expliquez qu'il y a quelque chose d'instructionnel plutôt que dénotatif. Vous pourriez nous préciser cela ? Alors... en fait, ce travail remonte à quelques années et l'idée était de mettre un petit peu en évidence les différentes fonctions qu'un petit mot comme « enfin » peut comporter. Effectivement, quand vous, par exemple, vous produisez un discours et tout à coup vous revenez sur ce que vous venez de dire, vous utilisez par exemple le terme « enfin » pour vous corriger. Dans d'autres cas, vous avez vous produisez un discours et puis tout à coup vous souhaitez signifier à l'autre que finalement vous arrivez au bout de ce que vous aviez à dire et que vous avez envie de céder la parole, disons. Donc voilà, c'est ce genre comme ça de fonctions que revêtent des petits mots comme « enfin »,« alors »,« quoi », qui n'ont pas été beaucoup étudiés et qui, dans le discours, tout à coup, prennent une nouvelle orientation. Donc d'un côté, vous avez des choses plus classiques, c'est-à-dire le « enfin » qui va corriger quelque chose qui a été produit. Et dans un autre cas, vous avez ce « enfin », par exemple, qui vous signifie que... enfin, qui signifie plutôt à l'interlocuteur, à votre interlocuteur, que vous êtes sur le point d'arrêter de parler, que vous voulez bien lui céder le tour. Ces petits mots, on ne peut pas en dresser une liste. On en trouve sous votre plume « bon »,« ben »,« quoi »,« tu sais »,« tu vois », ou des régulateurs même plus... plus incertain, oui, enfin, ça va jusqu'à d'accord. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, Roxane Bertrand, c'est par exemple toute la pièce de Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non est fondée sur un petit mot régulateur pris trop au sérieux. C'est bien ça. Et tout à coup, il se vexe. Est-ce que vous aviez vu un film merveilleux de la fin du XXe siècle qui s'appelait Clockwise ? Non. Ah, je vous le résume en deux mots, c'est John Cleese, le Monty Python, qui joue le rôle d'un préfet des études ou d'un proviseur d'un lycée britannique, et un homme extrêmement fermé, bloqué, autistique, comme on dit un peu trop facilement aujourd'hui, et il a un tic de langage, c'est « right », à chaque fois qu'il dit une phrase en anglais, ce que les sous-titres traduisaient bêtement par « bonne droite ». Et cet homme qui a tout cadenassé dans sa vie, tout va mal à partir de ce petit mot, parce qu'il dit « right » à un employé des chemins de fer qui lui dit que le train est à la plateforme de gauche, et il répète « right ». Finalement, l'employé dit de Guerlas à droite. Et à ce moment-là, il se perd dans des aventures qui en feront une espèce de clochard halluciné. Et c'est absolument extraordinaire, parce que John Cleese, en prononçant ce mot « right », qui est juste un tic de langage, est au cœur de votre étude, non ? Tout à fait. Mais alors, c'est là que la prosodie a un rôle fondamental. Ce serait intéressant de regarder un petit peu quels sont les contours intonatifs qui affectent ce « right ». Parce que s'il ne les produit que dans un seul contour, c'est clair que ça peut poser problème parce qu'il y a forcément ambiguïté. Mais par contre, il aurait pu utiliser différents contours, donc différentes modulations de la voix, différentes intonations pour dire toujours ce même mot. Et là, du coup, véhiculer peut-être des significations différentes. Alors, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas en dire plus. Mais effectivement, l'idée, c'est que, par exemple, avec un petit « ouais », hein, qui donc le back channel par excellence, vous dites beaucoup de choses si vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre. Si vous l'utilisez en le répétant plusieurs fois, si vous imitez une intensité un peu plus forte ou non, si vous le faites durer plus longtemps, etc. Selon donc la façon dont vous le réalisez, hein, dont vous l'exprimez d'un point de vue vocal, vous allez dire beaucoup de choses. Et pas seulement le « ouais », le « mm » aussi, celui dont on parlait tout à l'heure. « Mm-hmm », ça peut dire quelque chose, mais « mm », ça dit bien autre chose. Donc voilà, c'est aussi prendre en compte ces différentes modalités prosodiques qui est important, hein, pour comprendre ce qui est véhiculé à travers ces petits mots. Et avez-vous étudié, Roxane Bertrand, le moment où le marqueur discursif, au lieu de réguler, devient écran? Je pense par exemple à ces tics de langage, mais sont encore des marqueurs. Tu vois, je veux dire, qui ponctuent la conversation. On a envie à un moment de dire non, je ne vois rien et tu ne veux rien dire. Tout à fait. Alors, on l'a étudié de façon assez peu systématique, en fait. C'est des choses qu'il faut encore explorer. Mais ce qui est le tu vois, tu sais, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose aussi qui aide énormément le locuteur qui le produit à produire son discours. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte que le tu vois, il n'est pas là pour demander à l'autre d'acquiescer, encore que, mais il est là surtout pour aider le locuteur à conceptualiser et à produire son propre discours. Alors, il y a d'autres petits mots qui peuvent faire écran, comme vous dites, c'est le « quoi », par exemple. Il y a des gens qui ont vraiment ce tic de langage, entre guillemets, et qui produisent énormément de « quoi » en fin d'énoncé. Et c'est vrai qu'à un certain moment, ça peut être vécu comme quelque chose d'un petit peu pénible, et du coup ça n'a plus la fonction que ça devrait avoir lorsque c'est produit de façon convenable. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces petits mots et ces régulateurs, ces fatigues, etc., ont un rôle s'ils sont produits dans une bonne moyenne, c'est-à-dire que s'ils sont trop présents ou s'ils ne le sont pas assez, ça va créer quelque chose qui va déranger l'interaction. Donc c'est il faut trouver finalement le bon équilibre. Alors, tout ça c'est implicite parce qu'il n'y a pas, personne ne vous apprend, hein, à produire tant de régulateurs à tel rythme, mais c'est quelque chose d'un petit peu implicite. C'est aussi individuel, hein, il y a des gens qui régulent plus que d'autres, mais il faut que cela reste dans des proportions supportables, parce que sinon, effectivement, ça peut tomber dans des excès, et donc tomber dans des... finalement, jouer un autre rôle que celui pour lequel, normalement, ils sont là. Mais alors, vous faites-vous, Roxane Bertrand, prédatrice, c'est-à-dire au nom de la science, comment allez-vous... écoutez, chipez ces conversations. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez les enregistrer parce qu'à ce moment, ils se surveilleront. Vous-même, je suis sûr que si vous n'étiez pas enregistré, ne parlons pas de moi, ce serait différent. Alors, est-ce que, sans prévenir, alors que nous sommes parfois prévenus, vous savez, quand nous essayons de joindre une administration ou que sais-je, votre conversation est susceptible d'être enregistrée pour améliorer le service ou que sais-je, vous-même, vous enregistrez des gens à leur insu? Non, parce que éthiquement, ce n'est plus possible. Je dis plus parce que c'est pas très vieux, mais non, ce qu'on peut. Mais justement, oui. Là-dessus, c'est intéressant. Éthiquement, pas très vieux. Vous pourriez préciser. Par exemple, pendant ma thèse, j'ai fait un enregistrement de personnes à leur insu, en leur demandant, après l'enregistrement, s'ils étaient d'accord pour que j'étudie donc leurs paroles, que je l'analyse, etc. Donc, ils ont été d'accord, ce qui est bien tombé. Mais c'est une pratique à laquelle on ne se livre plus, parce que beaucoup de gens n'ont pas envie d'être enregistrés à leur insu, ce qui peut se concevoir. Donc, l'habitude que nous avons prise, c'est pour ce qui me concerne et ce qui concerne donc mon laboratoire, nous avons pris l'habitude de travailler plutôt avec l'accord préalable des gens, c'est-à-dire que paradoxalement, on fait venir des gens, on leur dit on va vous enregistrer, mais on tourne la chose de sorte que ils soient finalement assez à l'aise pour interagir, pour produire des discours. Et finalement, ils se trouvent dans une situation pas très éloignée, quand on les enregistre, par exemple, en chambre sourde, pour avoir, par exemple, de la parole de qualité suffisante, etc., pour être traité après acoustiquement, etc. On leur dit, écoutez, vous êtes dans une situation d'enregistrement un petit peu fictive, mais finalement, quand vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un, vous êtes bien obligé de vous plier à la présence de l'autre et de donc fonctionner un petit peu en interaction. Donc voilà, imaginez-vous dans cette situation. Donc ça, c'est une première possibilité. Mais on a également d'autres façons de faire. Par exemple, moi, essentiellement, je travaille sur des dialogues entre personnes qui se connaissent très, très bien et qui, donc, finalement, ont déjà une habitude à converser. Et puis je leur dis, vous venez donc dans le studio là d'enregistrement, vous le connaissez bien aussi ce studio, donc ça posera moins de problèmes. Et puis vous discutez de tel thème ou tel autre. Et puis au bout de quelques minutes, on n'oublie pas le micro, jamais, hein, les interactants n'oublient jamais le micro. Mais finalement, ils se laissent aller et on se retrouve dans un dialogue assez spontané, même très spontané. Et on retrouve tous ces phénomènes de chevauchement, de signaux back-channel, etc., etc. Vous avez dit au bout de quelques minutes, ça ressemble presque à du Fernand Reynaud, un certain temps pour le refroidissement du canon. Mais est-ce que vous avez pu, Roxane Bertrand, mesurer le moment, ou est-ce que ça dépend des interactions inter-individuelles, et est-ce que vous avez pu mesurer le moment où le naturel, sinon revient au galop, du moins reprend le dessus? Alors ça, c'est très difficile à dire parce qu'effectivement, c'est individuel. Et puis, on ne sait vraiment, finalement, jamais quand les interactants se sentent bien, etc. Ce qu'on peut faire, c'est comparer avec d'autres corpus, d'autres types de corpus, par exemple, ou même par rapport à ce qu'on sait, finalement, des conversations qu'on a avec les uns et les autres. On voit très bien que, au bout d'un moment, les hésitations, ce que je fais en ce moment, par exemple, les hésitations, les répétitions, les bredouillements, etc., sont de plus en plus présents, que finalement, on est en train donc de réfléchir à ce qu'on dit, donc on est bien obligé de finalement de se concentrer sur ça, et donc on s'intéresse un petit peu moins à la situation d'enregistrement, etc., etc. Donc on sent bien qu'à un moment donné ça bascule, les gens osent un petit peu plus, se lancent un peu dans plus de spontanéité. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sent bien qu'il y a des moments comme ça, s'ils sont enregistrés pendant une heure, à un moment donné ils retournent un petit peu à la situation d'enregistrement en faisant des remarques sur les consignes qu'on leur a données ou sur le lieu d'enregistrement, etc. Et puis ça repart, et donc ils sont tellement concentrés après sur ce qu'ils ont à se dire, à ce qu'ils ont à se raconter, que finalement on les sent relativement spontanés et naturels, malgré donc cette situation un petit peu fictive. Mais toutes les situations de parole, pour moi en tout cas, se valent et donc sont dignes d'être analysées. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer après de comparer avec, par exemple, des débats, avec des interviews, avec tout un tas d'interactions qui présentent des caractéristiques un petit peu différentes, et voir un petit peu ce qui se passe finalement autour de ces prises de tour de parole, etc. Vous menez donc des études prosodiques. Oui. Et vous avez quelques critères. C'est au bout de tant de secondes ou de millièmes de secondes de silence qu'on peut considérer cœur. Enfin, comment vous décidez de garder ou de ne pas garder des lambeaux de conversation? Alors, a priori, moi, je garde tout. Je garde tout. Il n'y a pas de raison de considérer que certains morceaux de discours sont moins dignes d'intérêt que d'autres. Donc, je garde tout et j'observe ce qui s'y passe. J'observe pourquoi, on a l'impression que là, ça, c'est peut-être moins réussi. Alors, est-ce que, par exemple, justement, il y a des pauses, par exemple, silencieuses qui sont bien trop longues pour être vraies, pour être acceptable? Est-ce qu'il y a, par exemple, trop d'hésitation? Enfin, ça ne me vient même pas à l'idée, parce que de toute façon, je crois que tous les énoncés, tous les discours sont intéressants. Donc, je n'en jette pas. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Roxane Bertrand. Le site de Tire ta langue met à votre disposition des précisions et des liens utiles, tout en vous permettant de réagir aux émissions. Réalisation, Franck Lilin.